Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Bonsoir et bienvenue pour 2 heures de blues sur C'est Fou 89.1, la radio campus à Trois-Rivières. Bonsoir Steven Hubert. Bonsoir Denis Beaudin. Bon, ça nous fait un peu plaisir de t'entendre avec nous, Steven, cette semaine. Steven, tu vas nous présenter une émission spéciale. Oui, on va explorer les scènes les plus mythiques de la ville de New York. New York? Oui, New York. Pourquoi New York, Steven? On aurait pensé qu'on aurait été en Louisiane, à Chicago. Oui, t'as raison, Denis. Quand on parle de blues, le premier nom qui vient en tête souvent, c'est New Orleans, c'est Chicago. Mais tout d'abord, New York, c'est une scène importante. C'est près de nous. New York, c'est réputé pour le métissage culturel. Donc, souvent, de nos jours, on écoute de la musique, puis on se rend pas compte, mais on écoute du blues. C'est un musicien supposément tendance, mais il y a du blues dans sa créativité. Donc, je voulais aborder ce sujet-là aussi avec qu'est-ce que New York nous a apporté au niveau du blues. Et on va aborder ça à partir des salles mythiques du blues. Exactement, exactement. Donc, tous des enregistrements live, des captations live qu'on va entendre ce soir, de trois des scènes les plus importantes, des scènes permanentes, une scène temporaire aussi qui est connue pour sa qualité musicale, mais aussi pour bien d'autres choses. Là. On va découvrir ça tout à l'heure. Aussi, dans quelques minutes, on va tenter de rejoindre notre ami Paul Deslauriers, qui est présentement à Memphis, au Tennessee, au International Blues Contest. Il va nous parler un petit peu du déroulement du concours. Et quelque part dans l'émission, on va vous présenter, comme à l'habitude, les 5 premières positions du palmarès blues. Steven, ta première pièce cette semaine. Oui, tout d'abord, la première salle qu'on va aborder, c'est le Radio City Music Hall. Donc, c'est une salle, je pense que tout le monde a entendu parler, une salle assez connue. C'est une salle qui a ouvert ses portes en 1932. Le but, c'était d'offrir des spectacles de niveau assez élevé, des spectacles de luxe. Ceux qui connaissent l'histoire, par contre, se souviennent évidemment qu'en 1929, c'est la crise économique. Donc, c'est pas un très gros succès. On convertit la salle en salle de cinéma, mais pour vous donner une idée, là, c'était la plus grande salle de cinéma au monde à l'époque. C'est une salle de 6000 places pour aller écouter des vues. Donc, ça prenait un grand écran. Oui, c'était assez particulier. Donc, je vous fais jouer deux pièces de cette salle-là. On va attendre Steven Tyler et Joe Perry, qui sont d'Aerosmith, qui vont nous présenter I'm a King Bee de Slim Harpo. Mais tout d'abord, on va entendre monsieur dénommé Johnson qui nous présente la pièce Hear the Angels Sing. Oui, voilà. Hear the Angels Sing de Larry Johnson, effectivement. Tout ça à Très Blues, Assez Fou sur C'est Fou 89. Angel, keep on singing. Why won't you keep on singing, angel? Singing about this old world won't be long. Can't you hear angels singing? Can't you hear angels singing? Can't you hear angels singing about this old world won't be long? I'm a preacher, keep on preaching, preacher, keep on preaching. I'm a preacher, keep on preaching about this old world won't be long. Yeah, Lordy, Lordy, hey, Lordy, Lordy, now, hey, Lordy, Lordy, well, this old world won't be long. Play it right now. Oh, yeah. Ah, this old world won't be long. Well, me, I'm gonna start praying, me, gonna start praying, me. This whole world won't be long. Can't you hear angels singing? Can't you hear angels singing? Can't you hear angels singing about this whole world? I said, say this old world won't be long. Angels singing. Thank you very much. C'était I'm a King Bee de Steven Tyler et Joe Perry, live du Radio City Music Hall à New York. Mais on s'en va immédiatement live de Memphis, Tennessee, avec Paul Delaurier qui est au bout du fil. Bonsoir, Paul Delaurier. Bonsoir, Denis Baudet, comment ça va? Ça va bien, Paul. Steven Hubert est avec moi. On est en train de faire notre émission spéciale ce soir sur les grandes scènes mystiques du blues. Yes. Steven. Salut. Paul, t'es à Memphis, c'est le concours international, vous compétitionnez avec le Paul Delaurier Band, comment ça se passe, est-ce que c'est commencé? Oui, c'est commencé en belle, en fait, officiellement hier soir, c'est le International Blues Challenge, qui réunit au-dessus de 250 groupes à travers le monde pour compétitionner pour la place d'honneur, en fait, dans ce grand concours. On parle de à peu près une centaine ou plus de bands qui incluent, je veux dire, trois membres ou plus, ou des solos du lot. Nous autres, on est évidemment pas des Orient, on est dans la catégorie band. Ce soir, c'est la deuxième soirée des quarts de finale. Hier, on a fait une première performance devant les juges et avec accompagné de une autre, à peu près une dizaine d'autres groupes dans notre spectacle. On se trouve au Flying Saucer, à un coin de vue de la rue Beer, on a fait notre première performance hier, et on attend notre tour pour faire notre deuxième performance ce soir. Donc, comment ça fonctionne? Puis, évidemment, il y a deux quarts de finale, et puis on va annoncer ce soir qui avance les demi-finales, et ensuite jusqu'au final. Et vous performez toujours dans la même salle, ou vous promenez d'une salle à l'autre? Pour les quarts de finale, oui. Fait qu'on performe devant dans la même salle les deux soirs devant deux groupes de juges différents. Et puis pour les demi-finales, ensuite on change de salle. Okay. C'est toutes les commerces, tous les bars et restaurants sur les environs d'Iverville. Il y a des groupes qui touchent BB King, Rumboogie, il y a toutes sortes de places comme ça. Vraiment des clubs mythiques, en fait, c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a des bandes de partout dans le monde. Juste dans notre salle, on a du monde, des Américains, on a des Australiens qui jouent avec nous autres, évidemment des Canadiens, tout ça. Donc, le Lucas Hanneman, qui est d'Ottawa aussi. Oui, on a fait jouer le plus. Il y a deux semaines, on a fait jouer que des pièces d'artistes qui étaient au IBC. Ah, ben super! Paul, c'est Steven. Est-ce qu'il y a des bandes connues dans vos adversaires? Là, si on regarde un petit peu, c'est de l'art, c'est de la culture, mais c'est un petit peu un aspect sportif. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas observer de la compétition? Qu'on voit comment ils jouent, quel genre de pièces ils vont choisir? C'est quoi votre stratégie? On y va avec le feeling, on joue nos pièces, puis qui arrivera ce qui peut arriver, ou comment vous voyez ça? Ben, en fait, il y a un certain nombre de critères qui sont énoncés bien clairement de la part de la Blues Foundation, qui est le corps organisateur de cet événement-là. Et puis, il y a des... on est jugé sur un certain nombre de critères, dont l'originalité, dont la présence sur scène, etc., matériel original, évidemment le contenu blues. Fait qu'on a certaines directives à suivre face à ça. Fait qu'on se permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on devrait faire comme ça. Mais en même temps, on est ce qu'on est, le Paul des Oriépans, donc on ne va pas dénaturer notre truc juste parce qu'on fait partie d'une compétition. Ce qu'il y a bien un challenge. Ils font près de la peine de nous dire que c'est un challenge et non une compétition. OK. Mais évidemment, je pense qu'au-delà de tout ce qui est compétition dans cet événement ici, c'est vraiment l'aspect networking. C'est le plus grand événement de blues à l'échelle de la planète. Je dirais qu'il y a des acheteurs de spectacles de partout dans le monde qui viennent voir les bands, qui viennent faire du récitage. D'ailleurs, il y a des gens de Trois-Rivières. Oui, Christian Gamache et toute la contingence de Trois-Rivières en blues sont aussi ici dans le bar hier soir où on a joué. Ils sont venus nous encourager. Donc, on a du monde de Trois-Rivières qui sont là. Et puis, plein de festivals de partout, de Mont-Tremblant, du festival de Château de Montréal et des gens de J'imagine que l'ambiance est blues, tout est blues. On a vu sur le Facebook de Paul Deslauriers que tu avais regardé et touché de magnifiques jouets de musiciens cette semaine. Et oui, en fait, écoute, c'est comme aller à la Mecque pour moi. Je suis allé visiter la compagnie Gibson, qui font les guitares Gibson, ici à Memphis. La Custom Shop, et puis on a un magasin là où on a passé une belle heure ou deux à essayer des guitares, et se régaler devant ces œuvres d'art que j'adore tellement. Est-ce que tu vas revenir avec des nouveaux jouets, Paul? On ne sait jamais. On laisse faire. On va voir que le budget le permet. Mais Paul, merci d'avoir pris du temps pour parler aux auditeurs de Très Blues Assez Fou. On se reparle la semaine prochaine. On continue notre histoire du blues. Absolument, ça me fait plaisir de vous jaser ici. Merci d'avoir appelé. Ben, tu salues Greg et Sam, ben oui. Et puis à la meilleure des chances, on suit ça via la magie d'Internet de Facebook, le Paul Deslauriers Band sur Facebook. Vous avez possibilité de voir plein de photos de ce qui se passe à Memphis ce week-end. Merci Paul Deslauriers, à la prochaine. Merci beaucoup de votre encouragement. Merci Paul, à la prochaine. Salut. Alors, après, suite à cette discussion avec notre ami Paul, on enchaîne avec la suite de la salle du Radio City Music Hall. Alors, évidemment, une salle qui a été construite en 1929, qui n'a pas de rénovation, question acoustique, est un petit peu défraîchie. Donc, c'est une salle qui a présenté des combos de films, des spectacles de variété, de musique de toutes sortes, jusqu'en 1979. Sauf qu'en 79, je vous dirais que ça sentait la fin. Mais il y a un monsieur qui s'est levé, qui s'appelle John Belushi. Ça vous dit peut-être quelque chose? Oui. Le fameux film, le Blues Brothers. Un amateur de blues, un Canadien d'ailleurs. Effectivement. Lors d'une émission Saturday Night Live, il a pris la parole. Il a dit, écoutez, il faut garder, vous connaissez mon amour du blues, vous connaissez mon amour de la musique, il faut garder la salle ouverte. Donc, la salle a été rénovée en 1980. Maintenant, c'est géré par Madison Square Garden Entertainment, donc la salle où jouent les Rangers de New York, entre autres, et où il y a encore plein de concerts de musique. C'est maintenant focus sur presque uniquement de la musique, sauf à chaque année, comme vous le savez, il y a le Radio City Christmas Spectacular, qui est des spectacles de variété où se produisent les fameuses danseuses de précision, les Rockettes. Okay, les dames avec les grandes jambes, là. Oui, les très, très grandes jambes. Effectivement. Donc, il me reste deux pièces que j'avais choisies pour cette scène-là à vous faire jouer. On va entendre Never Give All Your Heart de Joe Bonamassa. Mais juste avant, on va entendre une pièce de Tim Reynolds et Dave Matthews. On parlait de métissage, de musique à New York. Dave Matthews, c'est pas un artiste de blues à proprement dit. C'est un artiste qui fait à peu près de tout. Il est difficile à classer. Il nous donne une version acoustique à deux guitares d'une pièce qui s'appelle Gravedigger, qui va vraiment chercher l'âme du blues au niveau des émotions et de la parole. C'est vraiment excellent. Donc, dans un premier temps, comme je vous mentionnais, Never Give All Your Heart de Joe Bonamassa, mais tout d'abord, Gravedigger de Tim Reynolds et Dave Matthews. Vous écoutez Très Blues à Tifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. But back to the show, and I love you for listening to me. Thank you. Cyrus Jones, 1810 to 1913. Made his great-grandchildren believe you could live to 103. 103 is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones, live forever. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Grave digger. Muriel Stonewall, 1903 to 1954. She lost both of her babies in the Second Great War. Now you should never have to watch as your only children are lowered in the ground. I mean, never have to bury your own babies. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Grave digger, ring around the rosy pocket full of posy ashes to ashes. We all fall down. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel digger? Little Mikey Carson, 67 to 75, he rode his bike like the devil until the day he died. When he grows up, he wants to be Mr. Vertigo on the flying trapeze. Or 1940 to 1992, grave digger. When you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Oh, grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? I can feel the rain, I can feel the rain. Grave digger, when you dig my grave, to make it shallow so that I can feel the rain. Grave digger. Grave digger. Joe Bonamassa, Never Go Love Your Heart. Steven, après Blues Assez Fou, après la pause, on s'en va où? Au Carnegie Hall. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Très Blues Assez Fou, mon nom est Denis Baudin, je suis en compagnie de Steven Hubert. Steven, tu nous amènes au Carnegie Hall. Oui, le fameux Carnegie Hall. Carnegie Hall, c'est une, évidemment une salle mythique qui a été financée par une autre famille riche. Tout à l'heure, on parlait de la famille Rockefeller. Là, on a fait la famille Carnegie. C'est une salle qui est quand même date de plusieurs années, qui a été inaugurée en 1891, qui est utilisée pour un paquet de choses. La musique classique, la musique populaire, le blues, le jazz, le cinéma, les arts de la scène. Ça a été déclaré monument historique en 1964. C'est une salle dont l'acoustique est exceptionnelle. On sait que le New York Philharmonic en a fait sa maison pendant plusieurs années. Et à l'opposé du Radio City Music Hall qui faisait dans la grandeur, le Carnegie Hall, c'est trois salles très intimes. La plus grande, c'est 2800 places. Donc, on est un petit peu à l'opposé. On privilégie l'atmosphère, la proximité de l'artiste. On privilégie une excellente acoustique et ça donne de très belles pièces. J'ai encore, dans ce cas-ci, choisi quatre pièces. Les deux premières qu'on va entendre, une pièce de Billie Holiday, qui date de 1946, qui s'appelle Billie's Blues. Mais tout d'abord, une pièce, un blues, je dirais, humoristique. Des paroles, ceux qui comprennent l'anglais, vous allez savourer dans tous les sens du mot. Une pièce qui s'appelle Oreo Cookie Blues de Lenny Mack. Turns off and on. has turned off and gone. Everybody feel all right out there tonight? Hi, John. Y'all like Oreo cookies? It's a pleasure to be here at Carnegie Hall, I'll tell you. It's been a long time coming. This is for all my friends from Indiana over there. This whole show. This is one that I did with Stevie Ray Vaughan, and he couldn't be here tonight, so I'm going to do it by myself. A little bit of this in the monitor, if you would. Thank you. Go something like this. Chocolate on my fingers, icing on my lips, sugar diabetes and blubber on my hips. I keep the nightlight burning in the kitchen, baby, so I can go downstairs and cruise. I got them Oreo cream sandwich, chocolate covered cream filled cookie blue. I hide them in the cabinet, I keep them in a jar, and for emergencies, you know, I keep them in the glove compartment of my car, and I can't live without them. They get me high and I can get on booze. Got them Oreo cream sandwich, chocolate covered cream filled cookie blue. Let me see if I can play one. Says I'm crazy, you better give them up and quick, or you'll be pushing up daisies, because boy, you definitely sick. But I couldn't quit if I wanted to. No, I don't want to lose. Them Oreo cream sandwich, chocolate covered cream filled cookie, built by the Bisco, ain't no rookie, no. Next best thing to Nookie Blue. Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Ah, Steven, on a entendu Lonnie Mac avec le blues du biscuit Oreo. Oui. Écoute, j'adore la langue française, mais je pense qu'il y a des choses qui sont mieux en anglais. Le Oreo Cookie Blues. On poursuit notre visite ou notre découverte du Carnegie Hall. Oui, le Carnegie Hall. Écoute, juste avoir faire partie de la liste d'artistes qui ont joué là, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je donne juste quelques noms comme ça rapidement. Duke Ellington, Edith Piaf, Maria Callas, les Beatles, Miles Davis, oui. Pink Floyd, le Buena Vista Social Club. Donc, écoute, et nous, au niveau du blues, l'album, le musicien qui en a fait sa salle, probablement l'album le plus marquant, c'est Stevie Ray Vaughan. Oui. On va entendre un doublé, en fait, de Stevie Ray Vaughan tiré de son album live à Carnegie Hall. Ses fameuses pièces Pride and Joy et Cold Shot. Pour compléter l'aperçu de Carnegie Hall, deux bonnes pièces de Stevie Ray Vaughan, ça va être excellent. Tout ça sur Très Blues, assez fou, 89.1 FM. Bang, bang. Hell, I That's a cool shot, darling. Yeah, that's a drag. That's a cool shot, baby. We met our love, go back. Yeah, I love my baby, the heart. girl, you see a man getting mean. And she my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm my little lover Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. Ah, Steven, on a regardé Carnegie Hall. Oui. La prochaine scène qu'on va aborder, ça va être le Fillmore East. Mais je trouvais ça difficile de parler de New York, on parle de salles puis tout ça, sans parler aussi d'un site magnifique qui sert à si souvent pour faire de la musique, qui est Central Park. Eh oui. Central Park. Une salle à ciel ouvert. À ciel ouvert. Un bijou vert dans une montagne de béton. Effectivement. Écoute, qui tout le monde a joué là? Simon & Garfunkel, paquet de monde, puis tout ça. J'ai choisi pour vous une pièce qui est du Dave Matthews Band. Dave Matthews Band, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement très blues, mais qui a invité Warren Haynes, qui est un guitariste du groupe Government Mule, qui est un guitariste de blues, à venir faire une pièce de Neil Young qui s'appelle Cortez the Killer. C'est un bijou. Moi, je vous invite à la maison peut-être à faire un petit refill de votre breuvage adulte, baisser un petit peu la musique, baisser la lumière et monter la musique. Collez-vous. Oui, effectivement. Et laissez-vous porter par la guitare qui est vraiment excellente. Dave Matthews Band, à très blues, assez fou. Yeah, and this, I want to have a friend of ours come and join us here. Yeah, we've been meeting him in New York City for a long time. Very good friend of ours going to get up on stage with us for a couple of tunes, Mr. Warren Haynes. Thank you. looking for a new world, a palace in the sun. On the shore lay Montezuma, his coconut leaves and pearls. In his halls he often wondered the secrets of the world. All his subjects scattered. Came dancing across the water. Vous êtes à Sifou. 89.1. Pour tout savoir sur l'histoire du blues, rejoignez-nous à Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin et ses collaborateurs. Le jeudi de 19 à 20 heures à Sifou 89.1. Steven Hubert, on est de retour dans notre émission Très Blues Assez Fou. Mon nom est Denis Beaudin. Bonsoir Steven. Bonsoir Denis. On poursuit notre deuxième heure et on va débuter notre deuxième heure avec le palmarès des albums blues de la semaine selon le Roots Music Report aux États-Unis. En 50e position, on va y aller par tranche et vous indiquer quelques albums à surveiller. Albert Cummings qui a fait une dégringolade de 26 places. C'est un excellent album. Il faisait plusieurs semaines qu'il était sur les palmarès, donc il est rendu en 50e position. Steven, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter dans les 40 positions? Oui, ben tout d'abord en position 46, un artiste qui s'appelle Ebony Joanne, un album qui s'appelle Please Save Your Love For Me. Moi, ce qui me fait un petit peu la souligner, c'est qu'elle fait un bond de 17 positions, elle était 63e position la semaine passée, donc 46e, donc il y a vraiment de l'intérêt pour cet artiste-là. Puis je pense qu'on va faire jouer une pièce d'elle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura du Ebony Joanne dans l'émission Très Blues, assez fou. Une nouvelle entrée en 45e position, Steven? Oui, Blizzard of Blues de Tommy Z, que je ne connais absolument pas. Puis on va vous faire écouter aussi dans les prochaines semaines. C'est une belle source d'inspiration, le Roots Music Report des albums de blues. C'est une belle source d'inspiration pour vous faire découvrir des nouveaux artistes blues. Oui, effectivement. En 40e position, Denis, écoute, Mickey Bjorklof and the Blue Strip, album qui s'appelle Ain't Bad Yet, un bond de 51 positions, donc passé de 91 à 40. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que ça peut sonner. On peut penser à des tendances du nord de l'Europe avec un nom comme ça. Je serais bien curieux d'entendre ça. Hey, j'aime beaucoup à toutes les semaines, à part des émissions spéciales comme cette semaine, vous faire entendre des pièces européennes ou des pièces qui ne sont pas nécessairement en anglais ou en français, des pièces de blues. Donc, dans les prochaines semaines, nous aurons sûrement la chance d'entendre Mickey Bjorkfold and the Blue Stripe. Oui. On poursuit nos nouvelles entrées et nos surprises en 36e position. Mavis Staples, Living on a High Note, un autre album qui fait une entrée intéressante en 36e position. Et on s'en vient plus près des positions de tête en 20e position avec Handy Santana de West Coast Playboys, Watch Your Step, aussi une nouvelle entrée en 20e position. Et dans les 10 premières positions, la semaine dernière, il est en 7e, il a dégringolé de 3 en 10e position, Colin Linden, Rich in Love, en 9e position, un bond pour Eddie Cotton qu'on a entendu la semaine dernière, One at a Time. Oui, effectivement. En 8e, un musicien qu'on décrit par plusieurs personnes comme étant un peu la relève au niveau du blues, Gary Clark Jr. avec The Story of Sonny Boy Slim. C'est un excellent album que j'ai écouté. C'est vraiment un blues moderne, un blues d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qu'on va entendre parler pour plusieurs décennies, à mon avis. Et on en a besoin. Le blues, il faut qu'il demeure actif, vivant. Donc, c'est très, très intéressant de voir des artistes comme ça. En 7e position, The Reverend Sean Amos. The Reverend Sean Amos Loves You, qui a fait une baissée d'une position. Sean Amos qui m'écrit cette semaine. J'ai reçu un petit message courrier électronique de Sean Amos parce qu'il était au courant qu'on avait fait tourner des pièces de lui, qui est très, très surpris et content que Trois-Rivières et Très Blues Assez Fou connaissent le révérend Sean Amos. En 6e position, Samantha Fish, la très jolie et très talentueuse Samantha Fish avec l'album Wild Heart. En 5e position, quelqu'un qui était en 3e, donc il est là dans le top 5, là, qui se promène depuis un bout de temps avec un très bon album. Évidemment, Buddy Guy avec Born to Play Guitar. Ben, Buddy Guy, il est une légende. C'est oui. Effectivement, qui est né pour jouer de la guitare. En quatrième position, Shemekia Copeland, qu'on a entendu aussi la semaine dernière avec l'album Art's Curse of Love. C'est la pièce qu'on a écoutée à Très Blues, assez fou, la semaine dernière. Très bien. En troisième position, Dave Alvin, Phil Alvin, avec leur album Lost Time. Donc, il était en pole, qui était en première position la semaine passée, qui ont baissé de trois positions. Et en deuxième position, Tommy Castro, Method to My Madness. C'est un blues assez rock. Et Tommy Castro aussi qui m'a envoyé un petit email qui était très content qu'on ait fait jouer une de ses pièces. En première position, Tedeschi Trock Bands avec l'album Let Me Get By. Qu'on aura le plaisir d'écouter dans les prochaines semaines. Steven, on retourne à notre spécial de la semaine sur les grandes scènes du blues. Et on s'attarde à la région de New York. Oui, à New York, et là, plus précisément, on va dans le Lower Village à Brooklyn. On va vous parler du Fillmore East, qui est une salle qui a ouvert ses portes. En fait, elle est ouverte 4 ans. Alors, Denis, tu vas me dire, une salle qui est ouverte en 1968, 4 ans, qui a fermé ses portes en 71. Pourquoi on parle de cette salle-là? Ben, écoutez, en 4 ans, c'est une salle qui a réussi à se faire surnommer The Church of Rock and Roll and Blues. Donc, c'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Pourquoi elle s'appelait le Fillmore East? Ben, tout simplement parce qu'à San Francisco, il y avait une salle qui s'appelait le Fillmore Auditorium. Exactement. Et le propriétaire voulait étendre ses opérations. Il a renommé le Fillmore Auditorium le Fillmore West. La nouvelle salle à New York s'est appelée tout simplement le Fillmore East. Ouvert, comme je vous disais, tout juste 4 ans, une salle réputée pour son acoustique. Il y a eu un paquet de monde qui ont fait des albums live à cette salle-là. On parle des Allman Brothers, on parle de Derek and the Dominoes, donc Eric Clapton, les Grateful Dead, King Crimson, John Lennon, Johnny Winter, John Mayall, Jimi Hendrix, Neil Young, nommez-les. Ils ont tous voulu enregistrer des albums live-là ou à peu près. 4 pièces de cette salle. Les deux premières qu'on va entendre tout d'abord... c'est une pièce de monsieur Albert King, oui. Qui est un des trois rois, on appelle les fameux rois du blues, n'est-ce pas? Albert King en est un, avec sa pièce Oh Pretty Woman. Mais juste avant ça, les Allman Brothers qui reprennent un classique de T-Bone Walker qui s'appelle Stormy Monday. Tout ça encore sur Très Blues. Assez fou, 89.1. Doing that blues thing, we're gonna play this old Bobby Bland song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song. Saturday I go out to play. there, I go to church, yeah. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Though I'm trying to find my baby, won't somebody please turn home? Oh, no. Thank you. listen on me. So this time, one of the great blues men, Albert King. Thank you. Oh, Pretty Woman. Thank you very much. Albert King, Oh, Pretty Woman. On est, Steven, au Fillmore East. Oui, effectivement, Fillmore East, une petite salle dans un coin, en fait, que apparemment qu'on voudrait pas aller marcher le soir, mais qu'à l'époque était le paradis du blues. Le blues, c'est pas toujours propre, c'est pas toujours sécuritaire. C'est ça qui fait à peu près d'avoir des belles pièces. On l'a vu là. Donc, on a entendu deux pièces. Les deux dernières qui restent par rapport à cette salle-là, on va entendre un blues un peu particulier. Papa John's Down Home Blues d'un groupe qui s'appelle Hot Tuna. Ce qui est particulier de Papa John's, c'est que c'est un joueur de violon. Oui, effectivement. Donc, il nous fait des solos de violon. C'est intéressant de voir autre chose que de la guitare au niveau du blues. On essaie de couvrir un panorama un peu plus large. Et évidemment, on va avoir du blues vocal parce qu'on va entendre aussi Ball and Chain de Janis Joplin, la fameuse Janis Joplin, qui a évidemment, comme à peu près tout le monde, voulu enregistrer là, qui nous partage une chanson blues rock puis qui nous fait découvrir sa voix, même si on la connaît déjà là. Donc, Ball and Chain et Papa John's Down Home Blues. Vous êtes avec Steven Hubert et Denis Beaudin. Vous êtes sur Très Blues assez fou, 89 ans. Now a word from the esteemed Papa John Cage. I was born on a farm, way, way, way down home. I was born on a farm, way, way, way down. I was fat on a farm, down skinny and brown. I used to eat way down home. Sitting high. Vous êtes assez. 89.1. C'est fou. C'est fou. Vous êtes assez. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. down by me, my window, daddy. Oh, don't say the rain. Something grabbed a hold of me, and I felt. La pièce s'appelait Ball and Chains avec Janis Joplin. C'était live au Fillmore East dont Steven nous a fait la présentation. Oui, c'est une salle que j'aurais bien aimé pouvoir visiter. Malheureusement, comme je mentionnais tout à l'heure, elle a fermé ses portes en 71, mais quand même, elle nous a. Il y a beaucoup de ses souvenirs qui se perpétuent par la musique qu'on a entendue. Et si ma mémoire est bonne, elle a laissé place à un gratte-ciel. Ouais, ouais, c'est ça, c'est... Donc, il n'y a plus de salle. Ouais, c'est... Y a plus de salle. Steven, tu seras de retour avec nous dans quelques semaines avec un autre sujet, une autre émission spéciale. Tu nous parleras de... Oui, je vais revenir en février pour continuer un petit peu sur la thème qu'on a là, mais on va essayer de voir un petit peu les salles de blues mythiques, soit, disons, européennes ou anglo-saxonnes. Quelque chose peut-être comme le Royal Albert Hall, le Hammersmith, la ville de Montreux. Oh, oui. Essayer de trouver... On a parlé beaucoup de blues américain. Toi, je sais que Denis, tu prends soin à chaque émission de parler de blues européen ou de blues africain, puis tout ça. Moi, j'ai été très américain à date, donc je vais essayer de toucher un petit peu plus là, le blues de l'autre côté de l'océan. Ça sera une autre émission intéressante sur Très Blues, assez fou. Steven, on poursuit notre visite des salles mythiques de New York. Oui, je vais vous parler d'une petite ville qui s'appelle Asbury Park, qui est en fait pas dans l'État de New York, mais qui est tout près, à côté, qui est au New Jersey. Avant de faire les grandes salles. Oui, parce qu'évidemment, le rêve de tout musicien, c'est de faire le Carnegie Hall puis tout ça, mais on commence par la petite salle au coin de la rue, évidemment. Hein? c'est des musiciens que j'ai découverts, honnêtement, c'est les plaisirs d'Internet. Deux personnes, une de la première, qui est une chanteuse, qui a un groupe, elle s'appelle Erin Shewell and the Whiskey Devils, donc les Devils du New Jersey, une pièce qui s'appelle Suck It Up, et une autre pièce d'un groupe qui s'appelle The Matt O'Ree Band avec la pièce 10. Oui, et le Matt O'Ree Band, il y a une petite particularité qui touche Trois-Rivières. Oui, le Matt O'Ree Band, l'ingénieur de son du groupe, c'est quelqu'un qui est un passionné de course automobile, qui a déjà travaillé pour la série Champ Car, il a été impliqué en Formule Atlantique, donc il connaît notre ville, il est déjà venu dans le coin, c'est un ami personnel, donc... quelqu'un qui connaît beaucoup sa musique, je vous dirais. Il connaît comme toi son sport automobile. Je pense aussi. On pourrait en faire une autre émission, mais on a quelqu'un assez fou qui se spécialise dans ce domaine. Donc, on attribue aux assez fous pour nos découvertes des salles mythiques de la région de New York. On écoute le Jersey's on Track. And without further ado, I would like everyone to give it up for Miss Erin Shewell and the Whiskey Devils. Yeah. broke your heart. You always knew he would. You knew it from the start. Oh, but you thought he never could. So wipe away those tears and don't let them make you cry. Time to put on your disguise and hide your scars. flash and fire and cold land. 6 a.m. you wanna ruin my morning. Hanging, ragging, screaming, yelling and talking. I'm beyond this place of sin and a warning. Just 10 minutes, I'll be finished. When I get out of the window, I'll be out before you know. Just 10 minutes, I'm not kidding. Matory Ben, blues pesant, Steven. Ah oui, un blues macho lourd. Matory, qui est un guitariste qui, en plus, fait du blues, fait du rock and roll. Ah, il fait toutes sortes de choses. Vous connaissez peut-être un groupe un peu inconnu, non, je blague, qui s'appelle Bon Jovi. Un groupe obscur. Oui. Bon Jovi avait un guitariste vedette qui s'appelait Richie Sambora, qui, pour une raison X, on n'entrera pas dans les détails, là, qui a quitté le groupe. Et Bon Jovi, c'est un groupe du New Jersey. Matory du New Jersey, il y a eu des connexions. Et si vous allez voir un petit peu sur YouTube, vous pouvez voir Matory qui joue avec Bon Jovi, notamment d'une tournée qu'ils ont faite il n'y a pas très longtemps au Japon. Et Matory a quelques albums à son actif. Oui, 3 albums studio, 2 albums live, je crois. Un très beau site web, si vous allez voir sur son site, il y a la possibilité de commander les pièces par iTunes, ainsi de suite. Là, quelque chose de très intéressant. Vous êtes sur C'est Fou 89.1, vous écoutez Très Blues à C'est Fou. Je vous rappelle que tout de suite après nous, c'est l'émission de la sécheuse musicale, de la musique alternative. Demain matin, les meilleurs moments de C'est Fou, les meilleurs moments d'assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Le voyage insolite dès 10h, dès à 11h, rock classique avec Alain Lefebvre et le docteur Pendragon, où on fera, vous faites à toutes les semaines un retour dans la musique rock des années 70-80. Le palmarès, c'est fou en début d'après, en fin de journée, sur l'heure du souper. Et pour les amateurs du genre, Sky Punka, une émission 2 heures de punk, demain qui débutera à 20h. Mon nom est Denis Baudin. Steven Hubert, merci beaucoup. Ça fait un plaisir, Denis. Steven, on te revoit dans quelques semaines, 4 semaines environ, où tu vas nous parler de blues anglo-saxon. Et pour terminer, New York, mais on pouvait pas passer à côté de Monsieur Blues, Monsieur New York. Oui, effectivement, New York, ville de métissage culturel. Une pièce qui parle bien de New York, de l'état d'esprit de New York. On pouvait pas passer à côté de Billy Joel avec son fameux New York State of Mind. Vous êtes à Très Blues assez fou sur C'est Fou 89.1 et écoutez du blues. Seen all the movie stars. many fancy cars and their limousines. And high in the Rockies, under the evergreen. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state. It was so easy living day by day, out of touch with rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times Daily News. Whoa. Comes down to reality, and it's fine with me.